avec les potes, le cul touché presque par terre. L'été on enlevait la capote, on mettait le cap sur la mer. Sur les petites routes au galop, on rigolait dans les virages. J'étais si fier de mon taco et comme on avait le même âge, elle était mon alter ego, ma deux chevaux. On partageait un gros cigare en se croyant dans un avion. Cramponné pour le grand départ, on volait vers d'autres horizons. On chantait les copains d'abord, et puis Manu du père Renaud. Quand l'un de nous n'allait pas fort, les chansons remplaçaient les mots. Elle n'avait pas d'autoradio, ma deux chevaux. Tout décoré d'autocollants, plaqué sur le coffre à l'arrière, avec des tas de vieux slogans, faites l'amour et pas la guerre. Le nucléaire, non merci, une main touche pas à mon pote. Que des trucs pour changer la vie et boucher les trous de la capote. Elle me servait de calico, ma deux chevaux. Le soir quand je ramenais une copine, je jure que je faisais pas exprès de lui faire le coup de la panne. C'est pour de vrai que je réparais. Plein de cambouis et de sueur, je n'osais plus m'aventurer. J'avais fait le même coup à sa sœur, c'est peut-être pour ça qu'elle se marrait. Ouais, c'est sûr qu'elle avait bon dos, ma deux chevaux. Les jours de froid, c'était l'enfer, les deux mains sur le démarreur. Je tirais à fond, mais rien à faire, toujours victime de ses humeurs. Je vidais la bombe de start pilote, mais c'est à grands coups de manivelle. Elle daignait décoller ma chiotte en me souriant de ses grandes ailes. Je l'injuriais à tire-larigot, ma deux chevaux. Une nuit un peu trop arrosée, un gros platane avait poussé au beau milieu de la chaussée. De plein fouet on l'a épousée. Elle a fini dans une casse, perdue parmi des tas d'autres caisses. Il reste un cube de sa carcasse. Et les conneries de ma jeunesse, une chanson et vos bravos pour ma deux chevaux.